c'est le podcast numéro 4 de Hop là. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver pour cette quatrième épisode. Allez, Est-ce qu'on peut dire plutôt que c'est l'Hop là numéro 2 partie 3? Hop là numéro 2 partie 3. Parfait. Ça me va. Allez, c'est parti. Hop là numéro 2 partie 3. Blablabla. Bon, en même temps, c'est faut se le dire parce que c'est le même thème et ça sortira sur des quelques jours d'intervalle à peine. Donc faut bien faire la distinction. Ouais, mais sur le titre, ce sera le numéro 4. OK, vas-y, monte. Je vais être obligé. C'est trop dur. Je pense que je vais. On verra. Trop on s'en fout. On verra. Dur, Inch'Allah qui verra. Exactement. Inch'Allah qui verra bien ou pas. On se retrouve pour la suite des conférences, comme tu dis, de l'E3. Cette fois-ci, on commence par Ubisoft. Ubisoft, donc qui était la 5, 6, 7, 8, 8e conf. Oula. La 8e conf. Eh, si, la 8e conf. Ubisoft. C'est vrai que j'ai oublié de récupérer la liste Ubisoft. Ah, monsieur, il n'a pas fait son. Non, MDR. Donc, Forza King, ta gueule. Non, mais voilà, Ubisoft, donc, ils ont fait une. Il y a eu des petites. Et alors, je vais commencer par les petites infos qui sont sorties en pré-conf. En fait, il y avait quand les journalistes s'installaient dans la salle pour la conf, il y avait des gens qui parlaient sur la scène. Pour donner des infos et tout. Et ils ont lâché quelques petites infos. Assassin's Creed Odyssey, il y a le mode créateur de quête qui est annoncé, qui va sortir. Donc ça peut être très très cool. Le mode spectateur pour For Honor, pour les gens qui jouent à For Honor aussi, ça peut les intéresser. Voilà, c'était les deux petites infos qui sont sorties. Il y en avait peut-être plus, mais moi j'ai donc ils ont commencé par une petite intro à Assassin's Creed Symphony pour l'ouverture de la conférence. C'était. Ah ouais? Ouais, t'avais pas vu ça? Genre ils avaient un petit orchestre. Ah oui, ah ben oui, je suis con. Oui, c'est donc t'avais certains jazz que moi que je le répète, du coup j'ai regardé le stream de Mister MV au même moment. Et comme dirait Mister MV, ah bah tiens, je savais pas que j'avais autant d'ingé son et de régisseurs parmi mes viewers, hein, parce que ils ont beaucoup à dire, hein, sur la gestion de l'orchestre, hein, apparemment ça pue du fion. Franchement, je suis pas ingé son. franchement, le son était genre, enfin, je sais pas si les gens étaient pas bien préparés, si les musiciens étaient pas bien préparés. Il y avait des trucs qui sonnaient un petit peu dissonants. Et je sais pas si c'était à cause parce que la salle était peut-être un petit peu dégueulasse, du coup ça sonnait pas très bien, ou la prise son était vite fait, machin. C'était juste un moment, c'était vraiment pas très bon. Et après c'était bien. C'est voilà. Exactement ça. Bref, petite symphonie. Oui, c'était sympa quand même. C'était quand même cool à écouter. Bon, l'attention y était en tout cas. C'est clair. Et ils ont commencé très fort. Le premier Watch trailer, Dog, c'était Watch Dogs. Qui a fait rêver tout le monde, en vrai, à l'unanimité. C'était Watch Dogs Légion, donc, qui prend place en Angleterre après le Brexit. À Londres. Donc, à Londres, si je peux faire. Après le Brexit. Donc en mode. Je sais pas si y a si c'est annoncé, c'est après le Brexit. C'est genre justement, c'est ça, ils ont fait le point là-dessus. Okay. C'est vraiment un jeu normalement qui n'est pas du tout politique et qui en parle à donf. Si voilà. Ouais. D'accord. Mais franchement, de toute façon maintenant j'ai rattrapé mon retard. Enfin comme tout, en fait moi. Quand je rattrape mon retard sur les Assassin's Creed, je suis toujours émerveillé. Et là, j'ai rattrapé mon retard sur Assassin's Creed, enfin presque. J'ai fait Origins. Et c'est dingue le step-up qu'il y a eu entre, on va dire, le dernier, comment il s'appelle, celui d'avant, qui était Syndicate. Bah, et tout Origins. Le monde a chié sur Syndicate, à ce qui paraît. Bon, il était sympa après, voilà. C'était le Assassin's Creed de trop, quoi. Enfin, de trop dans le sens où ils n'avaient pas changé la formule, et c'était le dernier qui avait cette formule-là. Et Assassin's Creed Origins s'est revenu avec sa nouvelle formule. Et c'est insane maintenant. La map de Origins, elle est insane, quoi. Juste la map de base, waouh, c'est un truc de ouf. Hein, comment c'est ultra grand, tu vois. C'est comme The Witcher, quoi. C'est aussi grand, et c'est aussi détaillé, c'est aussi vivant, c'est super beau. T'as des paysages à tomber par terre. Et là, je me dis, putain, maintenant, tu vois, tu sais qu'Ubisoft sait faire des putains de monde ouvert ultra beau, ultra détaillé, ultra vivant, ultra crédible. En fait, ils ont viré leur dernière équipe de développement, ils en ont racheté une autre, en fait. Non, mais c'est non, même pas. C'est juste qu'ils ont, step up, quoi. Enfin, genre, moi, ils savent très bien qu'il faut faire évoluer les technologies et tout. Et bon, ben voilà, ils ont travaillé aussi plus longtemps sur le Origins qu'ils ont travaillé sur les anciens Assassin's Creed. Avant, c'était un Assassin's Creed tous les ans. Là, ils ont attendu, je sais plus, deux ou trois ans avant de sortir Origins. Pour Odyssey, ils ont commencé à le développer en même temps que Origins. Et il est sorti 2 ans après, je crois. Voilà. Et Origins, enfin, Odyssey, à ce qui paraît, la map est encore plus grande, encore plus détaillée. À ce qui paraît. Donc, c'est insane. Et là, je me dis, putain, mais me balader. J'ai kiffé me balader dans Paris. J'ai kiffé me balader dans un vieux Londres, dans un vieux Paris. Et c'était ultra beau, ultra. C'était vraiment super. Alors, me dire que de balader dans un vrai Londres, un peu retapé, moderne, putain, ça va être le plaisir, ça va être le panard, quoi. Ça va être un. On va avoir vraiment Londres, quoi. Enfin, genre, quand je joue à Spider-Man, c'est vénère, quand même. New York est trop bien fait. Oh là là, j'ai tellement envie de jouer à jouer. C'est insane. Ah, bah, je t'ai dit, c'est vivant, les rues sont blondés, des fois non, des fois oui, enfin genre c'est vraiment trop bien quoi. Et là je les attends au tournant sur Watch Dogs. J'ai fait aucun Watch Dogs, hein. J'en ai fait non, aucun. Oui. Je sais que c'est des jeux tranquilles, quand même cool le et tout. Le 2 a moins bien marché, beaucoup moins bien marché. Ouais, je pense qu'il est cool, hein, il me semble. Hein. Je crois qu'il est cool, mais ouais. Mais là, du coup, pouvoir jouer une vieille, lancer des grenades et taser les gens avec une vieille, ça fait plaisir. Ça a habité, quoi. Ah, ça a habité tout le monde, en vrai. Oh, et le permades, comment ils ont fait ça, ah ouais, quel permades. Ouais, mais en vrai, je trouve ça cool, en vrai. Je trouve ça extrêmement ballsy, mais en même temps tellement, hors circuit. Enfin, c'est venant d'Ubisoft. C'est ça, en fait. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien ce concept. Ouais, c'est pareil. Mais je trouve ça ballsy, je trouve ça bien, je trouve ça cool. Je trouve que ça apporte. Ça va apporter de la fraîcheur à leur gameplay. Et puis, voir une mamie passer. Ça m'a puté quand ils étaient avec la mamie et que tu la vois se barrer et passer au-dessus de la rambarde. Ah la vache, ouais. Ça m'a buté. Ça, c'est énorme. Oh, ça va me buter, je sens que ça va me buter. Tu vas pouvoir faire des runs qu'avec un seul perso. Tu vas le faire avec tout le temps avec la grand-mère. C'est dans ça. Mais je me demande comment ça va se passer. En fait, tout le monde se pose la question, c'est comment ça va se passer. En fait, apparemment, leur concept, c'est genre, t'as la possibilité d'embaucher tout Londres. Ouais. C'est vraiment la résistance, du coup, qui veut s'en prendre au gouvernement, enfin, qui veut ne pas se faire face au gouvernement. Et du coup, en fait, ton armée, c'est les civils de Londres. Et du coup, c'est ça. Donc, ils ont montré je sais pas si c'était un gameplay ou simplement un test, ou je sais pas vraiment. Mais en tout cas, un peu l'histoire, c'est genre un mec qui essaye d'embaucher un expert en drone. Ouais. Et pour réussir à l'embaucher, du coup, il a dû le sauver des pattes de la police, enfin des forces du gouvernement, voilà, de Big Brother, afin de l'éviter de se faire tuer. Et pour ça, bah du coup, le personnage qui essaye de l'embaucher crève, donc permades. Et du coup, c'est une autre personne qui l'embauche. Et voilà, donc en fait, c'est tout un roulement comme ça. T'as tout un catalogue de personnages à pouvoir choisir, à pouvoir changer instantanément quand tu veux. Et voilà, c'est tous les gens se posent des questions. C'est comment va se passer le déroulement de la campagne de l'histoire s'il y a tant de possibilités de personnages. Comment vont être les enregistrements de voix, les échanges de dialogue. Enfin, c'est perturbant. C'est clair, mais ça... C'est vrai qu'on sait pas trop à quoi s'attendre quand même. Hein. C'est ça. Mais ça annonce du bon quand même. Quoi. En soi, on sait qu'aujourd'hui, Ubisoft a step up. Même quand tu joues à Wildlands, hein, Country Con Wildlands, j'ai fait l'essai gratuit du week-end. Mm. Oh putain de sa mère, quoi. Enfin, genre, la carte, elle est insane. Les possibilités sont vraiment cool. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'ils font Ubisoft. J'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. Je pense que ça va être très très bon. Bon, ben voilà. Et date de sortie aussi, 6 mars 2020. 6 mars 2020, donc ça 6 mars 2020, ouais. Franchement, là, on commence à tomber dans les confs où on va très vite comprendre que début 2020. Il va y avoir masse truc. Putain. Va falloir choisir. Va falloir choisir ce que tu veux dans la vie. Les 4 premiers mois, mais c'est genre. Les 4 premiers mois. Dingue. Il y a encore vous allez voir, la conf Square Enix, etc. Ça va être insane. Ouais. Ensuite, ils ont surpris Ubisoft, Mythic Quest, Raven's Banquet. TV show, hein, donc un show TV, une série disponible sur Apple TV. Oui, donc c'est une exact. C'est une série qui se fout de la gueule. des si développeurs. C'est une sorte un peu à la Zio. Ouais, c'est ça, exactement. Des développeurs de, enfin des gros développeurs de MMORPG, je crois. C'est ça. C'est ça. Ils, ouais. C'est ça. Ils se foutent de la gueule d'un studio de MMO qui développe un RPG. C'est et ça. Ils se foutent. Alors gros, s'ils tournent ça un petit peu à un truc à la The Office, ça peut être très très ça rigolo. Ça peut être très drôle. Bah déjà, il y a un des acteurs de Community qui joue dedans. Oui. Je sais plus comment il s'appelle et je le kiffe. C'est un des meilleurs personnages d'ailleurs de Community. Et rien ouais, pour ça, je pense que ça va me. Ouais, bah Community qui est disponible sur Prime, non? N'oubliez pas de vous abonner. Ah ouais, non, mais c'est clair que ça a l'air rigolo, parce que même le premier trailer que j'ai vu, tu sais, ils regardent un trailer du jeu, et en fait, le trailer, il est quasiment que sur le producteur. C'est ça. Et là, ils sont en mode, mais c'est un trailer sur vous, pas sur le jeu et tout. Mais fait. Non. Mais c'est, les gens aimeront, tu sais, ils le mettent torse nu, tout, le mec, il est bien sculpté, genre, c'est... Mais du coup, le jeu. Donc ça a l'air rigolo, si c'est tout le temps comme ça, ça peut être très bien. Mais. C'est disponible que sur Apple. Bon, bah dommage. Je savais même pas que Apple avait ce genre de service. Bah si, sur l'Apple TV, c'est disponible sur certaines télé et sur certaines box, je crois aussi. Même si c'est pas sur Orange, sur la box d'Orange, t'as pas ça. De toute façon, je l'ai pas donc. Ouais. Donc ensuite du Rainbow Six Siege, la saison 6, le mode Clutch Royale. Pour les gens qui jouent à Rainbow Six, c'est très cool, du petit contenu. Brawlhalla, Fit Adventure Time, oui. Disponible dès aujourd'hui. Hein, c'est disponible. Ça m'a surpris, ça. J'ai trouvé ça intéressant. Enfin, parce que je kiffe Adventure Time. Ouais. Mes trois saisons sont disponibles sur Netflix. Et ouais. C'est vraiment cool. L'univers est vraiment sympa, je trouve. Et ouais, cool. Mais après, Brawlhalla, c'est gratuit. Je raffole pas vraiment de ce genre de contenu, de mode de jeu. C'est une sorte de Smash Bros sur mobile, non? Ouais, sur PC. Non, sur PC. Sur PC, ok. Ouais. Bon, c'est une sorte de Smash Bros, quoi. Donc bon, Brawlhalla, qui est gratuit. Voilà. Donc là, il y a un featuring avec trois personnages de Adventure Time. Donc Finn, Jake et la princesse Bonbon. Okay. Je sais plus comment elle s'appelle. Et voilà, quoi. Mais c'est gratuit, quoi, en plus, je pense. C'est gratuit. Le jeu est gratuit, donc why not. Ah ouais, bon, bah... Sautez dessus, c'est déjà dispo. Voilà. Faites vos plays. Ensuite, Ghost Recon Breakpoint. Ils l'ont déjà annoncé il y a quelque temps, je sais plus sur... C'est ça. Sur quel conf. Il y a eu un reveal il y a quelques semaines. Bon, nouveau trailer. Le trailer qui passe actuellement, là, sur le stream, là, ça me fait rêver. Non, ça c'est Ghostwire. Hein? Allô? Ça c'est Ghostwire qui passe sur le stream. Hein? Ah non? Moi j'ai FF7. Ah ouais, non, mais moi j'ai le retard du stream. Ah ouais, mais moi j'ai pas. Juste avant c'était FF7 et. Bon bah voilà, donc Ghost Recon Breakpoint, il y a la bêta le 5 septembre et il y a Terminator dedans aussi. Ah oui, voilà, il voilà, y avait deux jeux où il y avait Terminator dedans, c'est vrai. Tu sens qu'il y a le film qui sort bientôt là. C'est ça. Et genre, en plus, je crois qu'en plus j'avais légèrement entendu ça, mais genre, quand les gens ont vu ça, ils ont fait un mode un peu. Ah, quoi? Genre deux fois. Ouais, c'est clair. Surtout, c'est deux fois, mais sur deux trucs différents. Genre. Ouais, c'est ça. C'était Gears of War et Ghost Recon. Ensuite, qu'est-ce que. Ah, Elite Squad. Tom Clancy, un jeu mobile stratégie avec tous les persos charismatiques de. Ça avait l'air naze! Ouais, ça avait l'air un peu nul, ouais. Oh là là! Bon, bah voilà quoi. Faut faire de la thune, hein. Ça sera de la thune facile, quoi. C'est ça. On peut passer au suivant. Just Dance. Quoi, c'était quoi? Just Dance, les 10 ans de Just Dance. Ah, Just Dance, on peut passer au suivant. attention, parce que Just Dance qui arrive encore sur Wii. Hein. Aïe aïe aïe. Et sur Stadia, alors donc très marrant, donc ça va être très marrant parce que ça va sans doute marcher avec les téléphones portables. T'auras ton téléphone portable en main, on skip. Peut-être. Oh putain, faut mettre la dragon hein, sur le téléphone. Hein. Ah ouais, j'avoue que. Parce que là. Parce qu'en plus, c'est genre Just Dance, c'est tellement pas le jeu où tu fais des gros mouvements hop, le rapide. Hein. Non. Pas du tout. Et c'est disponible en novembre. Voilà. Ok. Bon, ça a l'air. Très bien, Just Dance, on n'y a jamais joué, mais ça doit être goldé en soirée en vrai. En vrai, c'est goldé. En soirée, c'est goldé. En vrai, c'est trop bien. J'ai jamais joué en vrai Just Dance. Mais si, tu te souviens pas qu'on faisait les soirées au bar quand on était au lycée? Il y avait Just Dance. Pour moi, il y avait que Guitar Hero. Ah bon? Non, on faisait du Just Dance. Non, il y avait peut-être Just Dance, il y avait la caméra. Non, on faisait même que Just Dance, hein, il me semble. Je sais pas si tu te souviens du bar, on était juste au-dessus de. Bon, on était encore mineur, hein, il me semble. On était juste au-dessus du Flirties et. On était en Zabar, on était avec Anaël, Omar, toi, moi, et c'était Just Dance. Il y en avait des t-shirts Xbox. Ouais, pour moi c'était que Zax. Des guitares. Non, pas, il n'y avait pas de Guitar Hero. Hein. Si, si, ou alors c'était en visuel supplément, mais le truc de base c'était Just Dance, il me semble. Ok, ok. Ah là, t'as peut-être raison, ouais, c'est possible. Mais du coup, j'y ai joué une fois dans ma vie. Mais voilà. Mais tu vois, Just Dance, ça peut être cool, tu vois. T'imagines, tu prends ta Stadia de base, t'achètes ton Just Dance et t'y as accès partout. Quoi. Ouais. En vrai, c'est fumé. Hein. Parce qu'en vrai, c'est complètement fumé, je trouve. For Honor, un event, annonce d'un event, Shadow of Hitokiri. Oui, alors bon, je sais pas ce qui était promis dans cet event. De nouveaux persos. Bon, plus un nouveau perso, j'imagine. Ouais. Un petit scénar ou un petit event in-game. C'est un event in-game, hein, donc il va y avoir des trucs. Si vous jouez à For Honor, vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Ouais, voilà. Il sort quand déjà cet event? Ah, je crois qu'il est déjà dispo. Ah bon? Ah non, j'ai pas la date. Pas de date. Je l'ai vu tout à l'heure. Rainbow Six Quarantine. Donc Rainbow Six Quarantine. PVE coop. Peut-être un truc à la. Left 4 Dead. Ouais. On sait pas trop. Alors, je reviens juste sur For Honor. Apparemment, ce serait une mise à jour orientée e-sport. D'accord, ok. Donc, ouais, bah, ça va avec le. Avec le mode spectateur et tout, voilà. Le mode spectateur, quoi. Ensuite, un autre gros morceau, The Division 2, qui marche fort en ce moment, je crois. Hein, ça marche très bien, The Division 2. Ouais, donc là, c'est quoi? C'est une extension? C'est un DLC? C'est... Alors, ils ont annoncé les extensions, les DC Outskirts, donc les expéditions en dehors de la ville, donc des missions en ville. Ah oui, je m'en souviens, ça y est, qu'avec le. Apparemment, le concept de. Il y aurait des traîtres, apparemment, il y aurait des gens de. Ah, pff, non, je connais plus l'histoire. Je crois qu'il y a des trucs comme ça, ouais. Et c'est en plusieurs épisodes, donc il y aura l'épisode 1 qui sort très bientôt, il y aura deux, trois autres épisodes qui vont sortir. Okay. Il y a aussi un film qui est en préparation sur Netflix. Exact, avec David, voilà. David Licht. Oui. Et pas David Lynch. Lynch, non, mais pareil, moi j'étais en mode, waouh, ils ont ce mec-là et tout, ça va être non, pas du tout. Tout. Non, pas du tout. calmez-vous. Et aussi, petite info, il sera gratuit, il est gratuit à partir du 13 jusqu'au 16, vous pouvez le tester gratuitement. Attention, c'est un test, hein, ça veut dire que vous ne l'avez pas à vie. Hein. Donc vous pouvez jouer gratuitement du 13 au 16. Voilà, avec David Leitch, L-E-I-T-C-H. Ah, c'est pas la même chose. Là, et c'est le réalisateur... Ah quoi de... Attends, quoi? Quoi? Ah oui, non, et c'était le réalisateur de Deadpool 2. D'accord, ah bah écoute, ça annonce un film sympathique alors. Oh, il y aura du cul, des balles dans les fesses, c'est ça? Ah non, putain, trop bien. Tac. Alors ensuite, il y a aussi une petite annonce plutôt sympa. Uplay Plus... disponible sur PC. Encore plus de yaourt. Encore plus. J'ai l'annonce. Uplay Plus, donc pas le Netflix de Uplay, qui se cale sur l'offre de Xbox avec son Game Pass. Oui. Donc 14,99$, une centaine de jeux disponibles. Ah, c'est une centaine. Il me semblait que c'était tout le catalogue. Ah ouais, bah c'est sur Uplay, il y a pas grand chose, hein. Y a pas tant que ça. Oui, donc ouais, centaine de jeux. En vrai, il y a tous les Assassin's Creed, tous les Tom Clancy, tous les Far Cry, t'as déjà 100 jeux, je pense. Non, peut-être pas. T'as pas tant que ça de jeux non plus, je pense. Alors, et attends, ce sera disponible sur Stadia, c'est-à-dire que si vous avez un compte Uplay Plus, 15 balles. Je crois que vos jeux. C'est ça. Seront dispo sur Stadia. Quand ne fonctionneront, ne fonctionnera que sur PC. Le 3 septembre. Il comprendra une centaine de titres, ouais, t'as raison. T'auras Odyssey, t'as quand même des bons jeux. Il y aura Beyond Good and Evil, Rayman Legends, Assassin's Creed, Far Cry 5. Ouais, voilà, t'as toute la sauce. Et même The Division 2. Ouais, bah ouais, c'est. Putain. C'est pour ça, c'est vénère, ouais. Ouais, j'avoue. C'est pour ça que ces offres à 14,99€ sont quand même vachement alléchantes, quoi. Ça donne envie, je trouve. Ouais, c'est clair. Après. Bon, payer 14,99€ pour des jeux Ubisoft, bon... Tu te rends compte, genre, bientôt, tout ce qu'on prendra en tant que divertissement, ce sera des abonnements. Ouais, c'est ouf, hein. En vrai, c'est dur, j'ai du mal à m'imaginer. Abonnement ou location. Et en fait, tout ce qu'on va avoir, ça va être des prélèvements déjà... tous les mois. Tous les mois de tout ce que tu peux faire, ça va être... Non, pour l'instant... Steam, c'est de la location, par exemple. Non. Tu les achètes, tes jeux. Si, Steam, tes jeux ne t'appartiennent pas. Oui, il y a cette petite ligne à chaque achat de jeu. En fait, ils t'appartiennent pas. Ils sont. Si jamais Steam décide de fermer d'un coup, bah, on est tous baisés. Ah, bah là, vraiment, je pense que si Steam ferme demain, il y a des. Y a, y a, y a... Il y a la... il y a une révolution, je pense. Hein. Gabe, on le retrouve mort dans le caniveau le lendemain. C'est clair. Oh, putain. Ah ouais, non, mais. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est ouf de se dire qu'on va, comme tu dis, on va se retrouver avec des abonnements, en fait. Ouais, ce que genre. Mais, par moi, exemple, pour, les télé- pas, par exemple pour ce qui est pour les téléphones, les ordinateurs, ça va être ça aussi bientôt. Hein. C'est genre. On entre de plus en plus dans la location. Genre, justement, pour les ordinateurs, ce qui se fait là, bah, là c'est Shadow. C'est vrai, c'est Shadow. Mais je le sais. Mais vraiment, moi, ça me dérange pas, en soi, par contre. C'est vrai que c'est. Et je sais pas quoi en penser de ça. Je sais en pas. En fait. J'aime bien avoir les deux marchés possibles, tu vois. Me dire qu'il y a toujours le physique qui est là et tu peux. C'est même pas le physique, hein. C'est finalement se dire, bah, en fait, que ce soit virtuel ou physique, c'est, en fait, ça t'appartient pas. C'est tu loues le truc. C'est vraiment, ça t'appartient pas. C'est, pour moi, c'est comme si tu louais un appartement et que tu n'achetais pas un appartement et du coup, c'est à perte. Ouais. Sera comme... De toute façon, après, c'est pas... après oui, c'est ça, mais c'est du divertissement. Donc, c'est une fois que c'est consommé, c'est consommé, tu vois. Ouais, mais tu peux en faire une collection après. C'est vrai, mais tu vois, c'est là où je dis où c'est bien aussi d'avoir les deux marchés parallèles, tu vois. Le physique, il y a toujours ce côté, tu vois. Moi, en vrai, heureusement que j'ai acheté une PS4 parce que depuis que j'avais plus de console, j'ai pas acheté de jeu en vrai. Depuis, moi, depuis que j'ai acheté une PS4, c'est la dernière fois où j'ai acheté des jeux, quoi. Kingdom Hearts 3, God of War, et encore. C'est deux jeux que j'ai acheté, mais le reste je l'ai acheté en non physique au final. Genre Dark Souls c'était pas physique, Spider-Man je l'ai pas acheté en physique, donc Metal Gear je l'ai pas acheté en physique, tout comme ça. Donc c'est vrai que mais t'as toujours la possibilité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc excuse-moi, on a divagué. Non, mais c'était très bien. On a divagué. Nouvelle IP, très rigolote. Ouais. Faudrait l'essayer. Roller Champions. Ah ouais, faudrait trop essayer ça en vrai. J'ai vu Zerator, Juice et Moment y jouer dans la semaine là et ça avait l'air tellement drôle. Alors je veux pas te foutre le seum, mais ça se termine demain la démo. Hein. Ah, il faut l'essayer aujourd'hui, quoi. Je pensais que c'était genre pré-alpha jusqu'à longtemps encore, quoi. Non, démo dispo jusqu'au 14 juin. Ah putain, ça faisait tellement penser à Rocket League, quoi. Ouais, bah ça va être un peu le même délire. Mmh. Enfin, pas du tout, mais ça, c'est un peu le genre de délire un peu fun. C'est ça. Et ça sort quand, terminé... définitivement ? Je sais pas. Je pense que ça va pas tarder. S'ils ont sorti une démo, c'est que le jeu est quand même déjà bien avancé. Une fois que la démo sera terminée, ce sera une question de semaine avant qu'il sorte, je pense. C'est une pré-alpha, quoi. Ah ouais, mais de ce que j'ai vu, moi, ça a l'air quand même pas mal finalisé. Ah ouais, il faudra passer sur Uplay pour le faire aussi, ça va être... Ah bah oui. Putain. Mais c'est pas grave, ça change rien d'avoir plein de launchers. C'est Uplay. Bon, ça va, c'est pas le pire, franchement, le pire c'est Origin. Hein. Je t'assure qu'Origin, c'est une véritable purge, quoi. Ouais, c'est sûr. Le nombre de fois je me suis fait hacker mon compte Origin, quoi. Genre, ça arrivait sur aucun autre compte, mais par contre, Origin, vas-y, quoi. Genre, j'ai dû appeler 2-3 fois le service. Hein. Ah, y'a. C'est l'enfer. Eh bien, pas de date apparemment officiellement pour l'instant. Non, y a pas de date, mais je pense que ça va aller très vite, hein, parce que s'il y a une démo là. Ah si, début 2020. Ah, début. Ok, bon, je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Allez. Et ils ont terminé par un trailer pour Gods and Monsters qui était très attendu, avec une date de sortie le 25 février. Qui faisait. Gods and Monsters, on sait toujours pas ce que c'est. Les gens pensent que ça va être un Zelda-like à la Breath of the Wild. D'autres pensent que ça va être totalement autre chose parce que. Je sais pas. Moi, je suis d'accord sur le fait que je suis pas sûr qu'on va avoir un Zelda-like. Hein. Ça avait une sensation un peu 2D. Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais voilà, on a juste eu un trailer pour qu'ils nous disent quand est-ce que ça sortait. Voilà, le 25 février 2001. Et c'est tout pour la conférence Ubisoft. Hein. On a pas trop duré longtemps, je pense. Non, c'est vrai. Une petite dizaine de minutes, je pense qu'on est passé. Et on attaque là, je pense, peut-être la meilleure conf. Alors, c'est la dernière conf là ou De Square Enix. Ah non, c'est Square Enix. Après, il y a Nintendo encore et Switch. Et après, c'est Nintendo. Donc voilà, Square Enix, alors la petite conférence Square Enix qui a fait. On savait déjà à quoi s'attendre pour beaucoup de choses. Ouais. Et on a été bien gavés. Bah, je l'ai pas vu, je crois. Ouais, putain, alors bon, gars, ils ont entré. Ils sont arrivés, ils ont posé leur couille, c'est bonjour, on a FF7. Ah oui, ça marche, ça j'ai eu. Ils sont arrivés avec un nouveau trailer. Donc bon, bah, c'est un nouveau trailer. On a vu un petit peu de gameplay. Donc ça a l'air très sur le premier boss en fait, avec Barrett et Cloud. Ouais. Ah, par contre, ça a l'air d'être une purge, quoi. C'est un boss, mais le truc, il a l'air d'être hyper loin. Ouais, tellement putain. J'ai vu ça, j'étais en mode putain. Ça tiendra sur deux CD. Et il y aura l'aventure que jusqu'à Midgard d'abord. Hein. Donc l'épisode 1, c'est jusqu'à Midgard. Donc faut putain quoi, deux CD. Ouais, donc c'est vraiment ce qu'ils vont faire en fait. Ils vont te faire payer la première partie 60 balles, la deuxième partie 60 balles et la troisième partie 60 balles. C'est un peu. C'est, et là, je dis, c'est un petit peu des bâtards. Ouais, mais bon, si on a dû. Si, et par contre, si t'as vraiment 40 heures de jeu sur la première partie, c'est quand même. Bon, ouais. Ok. Et ce sera un peu la Life is Strange quoi, c'est genre. Exactement. Bah, c'est ce qu'ils veulent faire, ouais. Hein, c'est clairement ça. Donc on a vu du gameplay, il y a un mélange d'action temps réel, plus un petit peu de côté stratégie, parce qu'il y a toujours la barre d'ATB, tu peux faire, enfin c'est, ça a l'air très poussé comme gameplay, et ça a l'air très très cool. Ouais, en vrai, ouais, c'est, ouais, l'action... Ouais, puis t'as un swap entre les persos, tu peux diriger tous les persos, cool, hein. Donc t'as toujours ce côté vraiment FF7. Franchement, des bonnes choses. Moi, j'adore. Et on a la date de sortie, le 3 mars... 2020, je vais me faire plaisir à mon anniversaire. Oh putain. Ah non, mais putain, mais. C'est là, insane. Et ce début d'année là, ça va être une dinguerie. Hein. Genre FF7, alors attends, il y aura Ori and the Wild and the Wisps. Ouais. In the Wild of the Wisps en février. FF7, Watch Dogs en mars. Et Cyberpunk 2117 en avril. Dinguerie. Putain, quoi. Putain. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Là, je suis en train de me rendre compte. Hein. Je suis en train de... Putain, mais tu sais, on n'aura plus d'argent. Hein. On n'aura pas d'argent. En plus, tu auras le Kingdom Hearts 3 DLC fin d'année. Donc, bien ça aussi. Ah ouais, attends, on n'en parle pas tout de suite parce que. Alors ensuite, il y a eu Life is Strange 2. Spoiler alert, fallait pas regarder le trailer parce que c'est. Fallait pas le regarder si tu voulais faire l'histoire. Ah ouais? Littéralement, ah ouais, mais vraiment, là, le trailer il a duré 5 minutes. Ils ont montré. Ah ouais, carrément. Putain. Non, tu exagères, mais vraiment, il y a eu des. À ce qui paraît, moi je l'ai pas fait le jeu, mais à ce qui paraît, il y a quand même eu des bons gros spoils dans le trailer, quoi. Genre en mode. Oh. Regardez, Life is Strange 2. Bah voilà, l'histoire. voilà. Ensuite, ils ont annoncé Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster sur portable, donc sur Switch et tout. Alors ça, c'est goldé de ouf. Ah ouais. C'est un jeu que j'ai jamais fait. Il était sur GameCube. J'ai toujours voulu le faire. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais acheté. Et j'ai toujours voulu faire les Crystal Chronicles parce que c'est des petits jeux sympas à faire en multi. Ah. Et j'ai hâte qu'ils sortent parce que j'aimerais bien me les faire. Surtout s'ils sont remaster. Ok. Octopath Traveler. Donc le jeu sorti sur Switch, une 2.5D avec des sprites qui est très très beau, sort enfin sur PC, qui est disponible là dès maintenant, c'est sorti direct. Donc très très cool. Octopath Traveler. The Last Remnant Remaster, dispo sur Switch et PC. The Last Remnant, si vous aimez bien les jeux un petit peu stratégie, action RPG, enfin pas action RPG, stratégie RPG, c'est très très cool aussi. Dragon Quest Builder 2. Annoncé un nouveau trailer et ça sort le 12 juillet. Donc Dragon Quest Builder, c'est très sympa. Le 1 était très cool. C'est un Minecraft Lite. Hein. Un Minecraft Lite. Like. Ah. Lequel? Dragon Quest Builder. Dragon Quest, oui, exactement. Ouais, quand j'ai vu ça, je me dis c'est Minecraft. Cache pas. Et le 1 était très très sympa parce qu'il y a une petite histoire en plus. Donc t'es pas juste lâché comme ça. C'est vraiment très très cool. Okay. Ça sort le 12 juillet. Dragon Quest 11, le jeu, le dernier Dragon Quest oui. Sorti déjà, se rend disponible sur Switch cet automne, avec un petit mode old school en plus. Vous avez le mode en mode 2D vu du dessus, très sympa. Square Indie, donc les indépendants de Square, le petit programme indépendant de Square qui chope quelques petites perles comme par-ci par-là et les sort sous son édition. Circuit Superstar 2020, ça sort en 2020, pardon. C'est un petit jeu de voiture en top-down, un petit peu orienté arcade. Ça a l'air très très fun. Et Battle Line 1944, c'est une sorte de COD, de Call of Duty, pardon, un peu à la old school Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air très très sympa. Ensuite, bonne nouvelle pour les amateurs de musique. Square Enix Music se rend disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc si tu as envie d'écouter toutes tes musiques préférées de Final Fantasy, c'est dispo oui. Sur Spotify, Apple et même ta mère. Exact. Et même ta mère. voilà. On va très vite, hein, c'est les petites news ouais, de merde. Faut y aller. Et là, oh putain. Et là, comme tu l'as déjà dit, comme tu as déjà spoil enculé, Kingdom Hearts 3, le DLC, Remind. On savait déjà qu'il s'appelait Remind et j'étais en mode... Ça sort cet hiver, je suis désassocié. On a vu un trailer, c'était de la merde, mais je suis quand même saucé. En vrai, je sais pas à quoi s'attendre dans ce trailer, dans ce DLC. On s'attend à beaucoup de choses pour la suite de l'histoire de Kingdom Hearts. FF14, donc le MMO de Final Fantasy qui marche fort, annonce sa nouvelle extension Shadowbringer. En tout cas, la date de sortie, on savait déjà qu'il y avait une nouvelle extension. Shadowbringer qui sort le 2 juillet 2019. On parle encore de Dying Light 2, putain de sa mère, j'arrive pas à parler, qui sort printemps 2020. Et ensuite, c'est plein de petits jeux. Romantic Saga 3, ils ont sorti un petit trailer pour dire que ça sortait, quoi. La saga Scarlet Grace, donc je crois que ça, c'est tous les jeux saga. C'est une série qui s'appelle Saga, qui sort. FF Bravely Exvius, le jeu mobile. Un petit frère qui sort, qui s'appelle War of the Vision, qui sort sur mobile. C'est une sorte de petit jeu de stratégie, ça peut être très sympa à jouer. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Outriders, bah on sait pas ce que c'est. Voilà. On sait juste que c'est un TPS, on a vu des mecs qui en parlaient. C'est un TPS coop peut-être qui sort cet été, enfin l'été 2020, pardon. On sait pas trop ce que ça va être. Hein. Franchement, on a juste vu un trailer vite fait, mais ça nous a rien dit. Oninaki, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. On a eu un trailer, ça sort le 29 août 2019. Attends, c'était quoi Oninaki? Je crois que c'était un petit RPG un petit peu old school, tranquille. FF8 Remaster qui sort en 2019 aussi. Si vous kiffez FF8, mais bon, j'ai vu la gueule, c'est le remaster, c'est le cheap remaster. Ah bah c'est juste lissage des textures, c'est pas un remake, ouais. Hein, c'est un remaster, ça veut dire qu'ils prennent le jeu original, ils le lissent un petit peu, et puis c'est tout. Hein. C'est pas non plus, et ils le rendent un peu plus jouable peut-être, mais ils changent quasiment rien. Et le gros... Là, ça va te faire plaisir, là. Le trailer alors, Avengers. En vrai, je sais pas si ça me fait plaisir ou pas. Je sais pas à quoi m'attendre, okay. Parce que il y a toute cette problématique de la... merde, comment on appelle ça du fanservice des têtes des héros qui me refroidit un peu, en fait. Parce ah ouais, que, pourquoi? Bah, il y en a aucun qui ressemble au héros de base. Captain America. Tu compares ça au MCU? Il se base énormément sur le MCU. Ah ouais, mais c'est pas le MCU. C'est genre, du coup. Tu vois Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow et Hulk. Sans aucun autre personnage et une mangeoire. Après, il manque comment. Après, c'est parce qu'ils sont. Tu vois, genre. Je pense plutôt qu'ils se basent pas sur le MCU, je pense. Je pense qu'ils, comme ils disent, je pense quand même, c'est sûr et certain, je pense qu'ils veulent développer un MCU, un MGU, un Marvel Gaming Universe. Et que faut pas du tout s'attendre à voir des personnages des mecs issus du MCU. Et du coup, tu penses que c'est... Spider-Man Alors je pense que c'est pas improbable parce que tout est chaperonné par Marvel quand même. C'est des studios qui font des jeux différents, mais ça n'empêche que Marvel chapeaute tout. Donc est-ce qu'il n'y a pas une envie de mettre en place quelque chose? Okay. Je sais pas. Parce que même dans Spider-Man, il y avait des grosses allusions. Il y avait la tour des Avengers, il y avait des machins comme ça. Il parlait de la présence des Avengers. Donc, c'est pas improbable qu'ils aient des liaisons. Et je pense qu'il ne faut pas du tout s'attendre à des liaisons, à avoir des rapprochements avec le MCU. Ça, ok. Bon, en tout cas, je ne me fais pas trop d'illusions et j'attends de le tester avant d'en penser quoi que ce soit. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, moi, ce qui me refroidit, c'est que c'est Crystal Dynamics qui est derrière tout ça. C'est les gens qui ont fait... Tomb Raider, que moi je trouve qui est un très bon jeu, mais moi j'y arrive pas du tout, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça très très ennuyant comme jeu. Faudrait que je le refasse, peut-être que je changerai d'avis. Mais donc ouais, comme toi, je mets un petit peu de réserve. Mais bon, ça c'est peut ça. Être très bien. C'est comme ça, juste savoir ce que ça. Enfin, sachant que la série, comment ils appellent déjà, Avengers. Avengers, alors il y a le Marvel Avengers et il y a les Avengers, c'est l'autre de Nintendo, je sais plus, putain comment il s'appelle. Oui, Nintendo, oui, t'avais un Marvel, comment il s'appelle? Oui. Tu parles de l'autre jeu? C'est Marvel Ultimate. Voilà, Marvel Ultimate que je trouve puant du... Enfin les cinématiques sont nulles à chier. C'est un petit hack and slash avec peu de budget. Très peu de budget. Mais là, il me semble que le Marvel Ultimate Alliance, lui, il a les droits, par exemple, sur le MCU. Donc, je crois que les personnages ressemblent au MCU, non? Je suis même pas sûr. Dans Ultimate Alliance? Non, même pas, parce que Fury dans Ultimate Alliance, il est blanc déjà. Bah, c'est la vraie version de Fury, du coup, c'est celui des comics. Il se base beaucoup sur les comics. Bon, voilà. Et. Et aussi, on sait qu'il y a Ant-Man aussi. Hein. Dans Marvel. Dans Avengers. Avengers. Il y a Ant-Man ? Ouais. Ouais, il y a Ant-Man. On le voit. Enfin, il y a eu un premier trailer et ils ont mis un deuxième trailer où on voit Ant-Man à la fin. Ok. À la toute fin. Mais ils ont pourtant annoncé que 5 personnages jouables. Ouais. Bah ouais, mais bon, faut croire que. Peut-être qu'il sera pas jouable, hein. C'est peut-être ou un perso. Peut-être que ce sera pour le prochain. Mais ils ont dit. Multi. Alors. C'est marrant, ils ont mis un petit coup de coude à EA. Pourquoi? Je pense que c'était destiné à EA. Donc les personnages jouables qu'on sait pour l'instant, Captain America, Hulk, Black Widow, Iron Man et Thor, donc les 5 personnages jouables. Et ils ont dit il y aura du contenu gratuit, donc des nouveaux personnages et des nouvelles maps. Gratuitement, hein. Vraiment pas de loot box ni rien. Et tout ça régulièrement. Et donc en fait, si je t'avais dit, tu m'avais dit que ce serait peut-être un jeu à la Destiny. Ouais, c'est ça. Et moi je t'avais dit, ah non, je crois que j'ai entendu dire que c'était un jeu solo. T'as raison, ce sera un jeu multi-coop. Ok. Potentiellement, donc, bah, après, est-ce que ce sera un game as a service comme Destiny? Oula, et tout, ça, j'en sais rien. En tout cas, multi-coop. Et ça sort le 15 mai 2020. Oh putain, ce début d'année, ouais, quoi. Genre, c'est insane. Et ben voilà, c'était tout pour la conférence Square Enix. Et il nous reste juste la conférence Nintendo. Ok, donc c'est tout pour cet épisode. On finira par un dernier tout petit épisode sur la conf Nintendo et notre avis sur cette E3 et sur ce qu'on en a pensé, ce qu'on attend peut-être aussi, des choses qu'on attend, notre petit coup de cœur. Et ouais. On fera un dernier débrief pendant ce dernier épisode. Allez, à la prochaine. Tchuss.